إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous entamons inshallah le deuxième cours concernant kun salafiyan ala al-jadda, soit un suiveur des pieux prédécesseurs fermement comme il se le doit. Du Cheikh Abd Salam al-Suhaymi hafidhahullahu ta'ala. Et dans le cours précédent, nous avons vu l'introduction faite par deux grands savants qui sont Ali Muhammad Nasr al-Faqihi et Cheikh Ubaid ibn Abdillah al-Jabiri hafidhahumallah. Et aujourd'hui, nous allons voir l'introduction de l'auteur de l'ouvrage qui est Cheikh Abd Salam al-Suhaymi. Après les louanges d'Allah tabaraka wa ta'ala, les éloges faites à Allah et la prière et les saluts sur le prophète alayhi salatu wa salam, il dit amma ba'd. Après ceci, faqad ba'atha Allah nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam rahmatan lil alam lin nas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Certainement Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde pour les hommes, pour les gens. Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, et nous t'avons envoyé comme miséricorde vers les mondes. Et Allah a fait de sa communauté, de la communauté musulmane, de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la communauté du juste milieu. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Allah nous dit dans le sens du verset, et c'est comme cela que nous avons fait, qu'on a fait de vous une communauté du juste milieu, pour que vous soyez témoins sur les gens et que le messager soit témoin sur vous. أي عدولا لا يميلون عن الحق لا إلى غلو ولا إلى جفاء. C'est-à-dire qu'ils sont droits. Le juste milieu, c'est de faire preuve de droiture, d'être juste, d'être loin de l'injustice et de l'oppression. Donc, ils sont droits, ils sont justes. Ils ne penchent pas de la vérité. Ils restent tout le temps sur la vérité, le droit chemin. Et ils ne vont dans aucun extrême, que ce soit un extrême positif ou négatif. Ils n'en font pas plus que ce qui est demandé et ils ne font pas moins que ce qui est demandé. Mais ils restent fermes dans le juste milieu et ils sont justes. Iz dinul islam qad naha anil ghuluwi wal jafa. Car la religion musulmane, la religion de l'islam interdit l'exagération, l'excès dans la religion, et de même qu'elle interdit le contraire qui est le laxisme, ou si on peut dire le laisser aller. Donc les deux extrêmes, l'islam l'interdit. Wa amara bit tawassut wa li'tidal fil umuri kulliha. Et l'islam a ordonné le juste milieu, de donner à chaque chose sa juste valeur, et ceci pour toutes les questions, dans toutes les choses, c'est ce qui est demandé. Wa inna min abrazi simati hadha ad-din al-'adl wal-insaf وعدم الظلم والحكم بالقسطاس المستقيم. Et parmi les aspects les plus importants de cette religion, il y a la justice, la droiture et l'interdiction de toute forme d'injustice ou d'oppression, et de juger avec la balance de la droiture. وَإِنَّ خَيْرَ مَنْ يُمَثِّلُ الْوَسَطِيَّ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ وَالْمُعْتَقَدَاتِ وَالْمُعْتَقَدَاتِ الْوَسَطِيَّ الَّتِي جَاءَ بِهَا الْإِسْلَامِ خَيْرُ مَنْ يُمَثِّلُهَا هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Et les meilleurs qui représentent ce juste milieu dans les paroles, dans les actes, dans les croyances et convictions, ce juste milieu avec lequel est venu l'islam, les meilleurs qui le représentent, ce sont les adeptes de la sunna et du groupe et du consensus. Ahl sunnati wal jama'a. Alladhina tamathalu l'islam fi jami'i umurihim. Ceux qui ont appliqué l'islam dans tous leurs états. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. Ils ne font cela que suivre le prophète صلى الله عليه وسلم et ses califes bien guidés qui sont venus après lui رضي الله عنهم. اتباعا للكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة. Et dans le suivi du livre et de la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. فهم أولى الناس دخولا في هذه الوسطية. Et ils sont les premiers à entrer dans la terminologie du juste milieu. وإن كل معنى من معاني الوسطية ثبت لهذه الأمة فلأهل السنة والجماعة منه الحظ الأوفر والنصيب الأعلى. Et toute fois où il est parlé de juste milieu, dans n'importe quelle règle, question de l'islam, ceux qui ont la plus grande part là-dedans, ce sont les adeptes de la sunna. وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِأَنَّهُمْ الْأُنْمُوذَجِ الْأَمْثَلِ لِلْأُمَّةِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ أُمَّةً وَسَطًا. Car ils sont le meilleur exemple de la communauté dont Allah a fait la communauté du juste milieu. Et Allah nous informe quelle est la meilleure communauté qu'on ait fait surgir sur terre. إِذْ هُمُ الطَّائِفَةُ الْوَحِيدَةُ الَّتِي حَقَّقَتِ الْمُتَابَعَةُ الْمَحْضَى لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Car ils forment le seul groupe, ils sont le seul groupe qui a réalisé, concrétisé le véritable suivi clair et sincère du livre d'Allah Azza wa Jal et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Bi khilafi ghayrihim min firaqin wa tawa'if al-umma. Contrairement à d'autres que eux parmi les sectes et les autres groupes de la communauté. فَإِنَّهُ مَا مِنْ فِرْقَةٍ وَلَا طَائِفَةٍ إِلَّا وَلَهَا مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْاِعْتِقَادَاتِ مَا يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Car toutes ces sectes et toutes ces tendances ou tous ces groupes en dehors de la sunna wal jama'a, ils ont tous parmi leurs paroles, leurs propos, parmi leurs convictions, leurs croyances, des choses qui vont à l'encontre du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wal haqq al-khalis alladhi la batil fihi ma'a ahli as-sunnati wal jama'ah wa hadha ma'ruf bit-tatabbu' fi kathir min al-aqa'id wal-usul. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit: est la vérité, la pure vérité en elle-même. Cette vérité qui ne comporte aucune chose qui est fausse. Il n'y a pas de faux dedans. C'est la pure vérité. Elle se retrouve avec les adeptes de la sunna et du groupe. Avec Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et ceci est bien connu pour celui qui va à regarder dans les textes concernant les croyances et les fondements de la religion. لذلك كان أهل السنة خير فرق هذه الأمة. C'est pour cela que les gens de la sunna sont les meilleurs parmi les groupes qui existent. وأوسط طوائفها. Et ils sont le groupe du juste milieu par rapport à tous ces groupes, car il y en a qui en ont fait trop, qui ont fait de l'excès, de l'exagération parmi ces sectes et ces tendances, et d'autres qui ont eu du relâchement et qui ont été laxistes. Et dans le juste milieu, on a Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Fahum al-Ta'ifatul Mansura. Ils sont le groupe sauvé. Wahum al-Firqatu al-Najiya. Donc ils sont la faction rescapée et ils sont le groupe sauvé. وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسط في النحل كما أن ملة الإسلام وسط في الملل. Et ils sont, comme l'a bien précisé شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, ils sont dans le juste milieu par rapport à toutes les tendances et les sectes qui existent au sein de l'islam, comme la religion de l'islam, elle est le juste milieu par rapport aux autres religions. Par rapport à toutes les religions qui sont en dehors de l'islam, les doctrines qui sont en dehors de l'islam, l'islam, elle est au juste milieu. Et au sein de l'islam, Ahl al-Sunnah, ils sont au juste milieu par rapport aux sectes et aux autres tendances. Wa min al-ma'loum anna Ahl al-Sunnati wal-Jama'a هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et il est bien connu que les adeptes de la sunna et du groupe, en premier lieu, ce sont les compagnons du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. وهم التابعون لهم بإحسان. Et c'est aussi ceux qui leur ont succédé, ceux qui les ont suivis convenablement de la meilleure manière. ومن سار على منهجهم. Et ceux qui ont suivi la même voie qu'eux. وَسَلَكَ طَرِيقَتَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Et qui a pris leur chemin jusqu'au jour du jugement dernier. وَلَمْ يَتَسَمَّ أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بِهَذَا الْإِسْمِ أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ إِلَّا بَعْدَمَا ظَهَرَتِ الْبِدَعِ. Et les adeptes de la sunna et du groupe ne se sont donné ce nom, أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ, que lorsqu'est apparu les innovations, que lorsque sont apparues les innovations. Avant l'apparition des innovations et des innovateurs et du sectarisme, il n'y avait que les musulmans croyants, les suiveurs du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Car on a cette grande maison qui est l'islam. Tous ceux qui entrent dedans sont musulmans, mais ils ne sont pas tous croyants. Ils sont musulmans. À l'intérieur, on a les croyants et on a les hypocrites. Les hypocrites sont musulmans, mais ils ne sont pas croyants. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les Bédouins ont dit, nous avons cru. Dit, vous n'avez pas cru. Mais dites seulement que vous êtes musulmans. Et la foi n'est toujours pas entrée dans votre cœur. Ça, ce sont les hypocrites qui montrent l'islam, mais qui cachent la mécréance. Donc, en montrant l'islam, ils deviennent musulmans. Et dans ce bas monde, ils ont les mêmes droits que les musulmans. Mais leur jugement, il est auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et celui qui était un hypocrite, il sera dans le jugement dernier, dans le châtiment du feu de l'enfer, pire que les mécréants, dans un degré bien plus bas que les mécréants. Mais dans ce bas monde, il s'en est sorti. Il se faisait passer pour un musulman. Donc, Dans la grande demeure de l'islam, on a les croyants et on a les hypocrites. Et dans le cercle intérieur qui concerne les croyants, là on n'a que les croyants. Tayyib. Quand les innovateurs sont apparus, les premières innovations ont commencé à apparaître. À la fin de l'époque des derniers compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, les jeunes compagnons de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont vu l'apparition, ont vu des nouvelles innovations apparaître. Et à ce moment-là, ils se sont donnés comme nom « Ahlus sunnati wal jama'a ». Donc, on comprend par là que la sunna, elle est toujours liée au groupe. C'est le groupe mère, le groupe de base, qui sont le prophète et les compagnons, radiyallahu anhum. Et on dit « Ahlul bid'ati wal furqa », les adeptes de l'innovation et de la division. Donc la division à la base n'a été ramenée que par les innovateurs. Car en innovant, ils ont quitté la sunna. En quittant la sunna, ils ont amené la division dans l'islam. Donc le sunnite appelle au regroupement, à l'union avec la sunna. Et l'innovateur, avec son innovation, lui l'appelle à la division. Même si sa division, il l'appelle unité, union. Parce qu'ils ont changé les noms. Ils ont dit que le sunna, cela nous ramène la division. Parce que les gens aujourd'hui, on les retrouve des fois dans certains endroits. Ils sont réunis, mais sur des innovations. Tu viens les appeler à la sunna, ils disent que tu viens diviser. Alors que eux, ils sont dans la division. Tu les appelles à revenir au groupe mère, au revenir au chemin des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, de quitter ces innovations pour retrouver la véritable union, qui est l'union autour du prophète, alayhi salatu wassalam. L'union autour des enseignements du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc, l'innovateur, c'est lui qui amène la division et non pas celui qui appelle à la sunna, quoi qu'en dise les détracteurs. Donc, ils se sont donné le titre de Ahl al-Sunnati wal Jama'a une fois que les innovations sont apparues. Wa ta'addadat firaq ad-dalal, et qu'il y a eu de nombreux mouvements ou sectes d'égarement. Car toute innovation est un égarement. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Iyakum wa muhdathat al-umur. Attention, je vous mets en garde contre les nouveautés dans la religion, c'est-à-dire dans le cultuel. D'un point de vue religieux, ce ne sont pas les questions mondaines qui concernent ce bas monde. Car ce qui concerne le bas monde, à la base, tout est autorisé, sauf si on a des textes qui viennent nous les interdire. Mais dans le côté religieux, dans les ibadat, dans les adorations, on n'a pas le droit d'agir, si ce n'est lorsqu'il nous est demandé de faire. On fait ce qu'il nous est demandé, mais on ne fait rien de nous-mêmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, attention, il y a toute nouveauté en religion. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Car toute nouveauté en religion est une innovation. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Et toute innovation est un égarement. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Et tout égarement, il mène en enfer. Donc l'innovation en elle-même est un égarement. Et l'égarement en lui-même, il est voué au feu de l'enfer. Jamais on ne se rapproche d'Allah, tabaraka wa ta'ala, par des nouveautés dans la religion ou par des innovations. On ne se rapproche d'Allah, tabaraka wa ta'ala, que par ce qu'il a légiféré dans les enseignements de son prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam. Man amila amalan. Celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de notre enseignement est à rejeter. Cela n'est pas accepté. Il provient de qui? De quelle que soit la personne. Car celui qui transmet le message de son Seigneur, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et les ulama sont les héritiers des prophètes parce qu'ils ont pris l'héritage. Et qu'est-ce que l'héritage? C'est le savoir qui est la révélation, le Coran et la sunna du prophète, alayhi salatu والسلام. وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه مع انتسابهم في الظاهر إلى الإسلام. Et chacun s'est mis parmi ces innovateurs, ces égarés, à appeler, à inviter à son innovation et à sa passion, tout en s'affiliant toujours d'apparence à l'islam. من هنا كان لا بد لأهل الحق أن يعرفوا بأسماء تميزهم عن غيرهم من أهل الابتداع والانحراف في العقيدة. C'est pour cela qu'il était un devoir pour les gens de la vérité, pour les adeptes de la vérité, qu'ils soient reconnus par des terminologies qui les distinguent des autres parmi les adeptes de l'innovation et de la déviance dans le dogme et la croyance. فظهرت حينئذ أسماؤهم الشرعية المستمدة من النصوص الشرعية. Et est apparu à ce moment les noms qu'ils se sont donnés. Ce sont des noms religieux, légiférés, qui découlent des textes religieux. فمن أسمائهم, et parmi ces noms qu'ils ont eus, أهل السنة, les adeptes, les suiveurs de la sunna, la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, wa ahlu sunnati wal jama'a, et aussi ahlu sunna wal jama'a, les gens, les adeptes de la sunna et du groupe, wal firqatu najiyah, et la faction rescapée, wa ta'ifatu al mansura, et le groupe sauvé, wa ahlu al hadith wal athar, et les adeptes ou les gens du hadith et l'Athar, c'est tout ce qui concerne les citations ou les récits des pieux prédécesseurs parmi les compagnons radiyallahu ta'ala anhum wa tabi'in. Walakin lamma tasammat ba'd at-tawa'if al-mubtada'a bi ahli as-sunnah wa hum laysu 'ala mu'taqad ahli as-sunnah wal jama'ah, min huna tasamma ahli as-sunnah wal jama'ah bis-salafiyyin. Et lorsque certains parmi les tendances et les groupes innovateurs se sont donnés faussement comme nom Ahl Sunnah, alors qu'en réalité ils sont en contradiction dans leur dogme et leur croyance avec le dogme et la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, comme Al-Asha'ira ou Al-Maturidiyya, que beaucoup les mettent comme des gens de la Sunnah. Ils disent Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est Al-Asha'ira ou Al-Maturidiyya. Wallahi, je ne comprends pas comment ils ont fait pour en arriver là. Qu'ils auraient dit qu'il n'y en a qu'une d'entre elles qui était Ahl Sunnah, on aurait pu peut-être comprendre. Mais de dire que telle tendance, et c'est des divergences dans l'aqida, quand on parle de l'Asha'ariya ou Al-Maturidiyya, c'est des divergences dans la croyance. Et on dit que c'est les deux qui forment Ahl Sunnah wal Jama'a. Subhanallah. Mais sahaba, ils avaient quoi? L'aqida qu'on l'Asha'ira ou l'aqida qu'ils ont, Al-Maturidiyya? Ou alors est-ce que les sahaba, parmi eux, il y en avait qui avaient l'aqida des Asha'ira et d'autres qui avaient l'aqida des Maturidiyya? Laquelle aqida a enseigné le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam wa al-iyadu billah? Alors que ceux qui s'affilient à l'Ash'ariya, l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, il s'appelle al-Ash'ari parce que c'est un descendant du compagnon Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, originaire du Yémen. Abu al-Hassan al-Ash'ari, rahimahullah, il a eu plusieurs phases dans sa vie. Il était devenu imam dans l'I'tizal, la secte des Mu'tazila. C'était un imam pendant très longtemps chez eux. Puis, il s'est repenti de cette croyance. Et il a corrigé certains points de la croyance. Mais il n'avait pas encore atteint complètement l'aqidat al-salaf. Et vers la fin de sa vie, il s'est repenti de cette croyance qu'il avait vers la croyance de al-salaf, d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Et cette croyance médiane qu'il avait, que l'ulama appelle al-kullabiyya, c'est ce qui est appelé par beaucoup de gens al-ash'ariyya. Et que dans beaucoup de pays, il y en a qui suivent cette aqida et qui se disent nous, on est Ahl Sunnah, alors que dans cette aqida, il y a des points qui sont en contradiction avec la aqida d'Ahl Sunnati wal Jama'a. On a aussi, par exemple, mais qui, d'un point de vue général, ils suivent la aqida de la Sha'ira, les Ahbash, au jour d'aujourd'hui, les Habash, qui suivent l'Éthiopien Abdullah al-Habashi, qui était au Liban, je ne sais pas s'il est encore vivant, c'est leur fondateur, et qui sème le trouble et la terreur dans beaucoup de pays où ils se trouvent. D'un côté, ils ont la aqida al-Ash'ariya, qu'ils appellent Ahlus Sunnati wal Jama'a, et de l'autre côté, ils sont en plein dans le soufisme extrême, wal-iyadhu billah. Et ils se font appeler Ahlus Sunnati wal Jama'a faussement. Donc, lorsqu'il y a eu la confusion, il fallait que les gens de la vérité, de la droiture, les véritables suiveurs du prophète alayhi salatu wassalam et des compagnons radiallahu ta'ala anhum, qu'ils se distinguent. Et ils se sont donnés comme nom As-Salafiyoun, qui vient du terme, c'est une affiliation. As-Salaf. As-Salaf, dans la langue arabe, c'est un terme qui est employé pour dire tous ceux qui te précèdent, en bien ou en mal. Tes parents par rapport à toi, c'est des salafs. Tes grands-parents, tes ancêtres, c'est des salafs par rapport à toi. Puis, ce terme, il a été précisé d'un point de vue technique pour les trois premières générations vantées par le prophète alayhi salatu wassalam. Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des générations, c'est la ma génération, puis celle qui vient après, puis celle qui vient après celle-ci. Ces trois générations vantées par le prophète alayhi salatu wassalam, as-sahaba wa at-tabi'un wa atba'u at-tabi'in. Donc ces trois générations, ce sont eux as-salaf as-salih. On les appelle as-salaf as-salih. Et celui qui se dit salafi, il s'affilie à eux, à toutes ces générations qui ont vécu aux premières heures de l'islam, qui ont vécu l'islam pur avant même qu'il y ait quoi que ce soit comme innovation ou d'une chose enlevée ou d'une chose rajoutée, ils étaient dans l'islam authentique. Donc la personne, elle s'affilie dans sa croyance, dans sa ibad, dans son islam général, il s'affilie aux pieux prédécesseurs. L'islam qu'il suit, c'est l'islam des pieux prédécesseurs. Voilà ce que veut dire le terme salafi. Ce n'est pas un attachement envers une personne bien précise qui a vécu à telle ou telle époque. Non, à toute une génération d'imams et de ulama qui ont enseigné et propagé le véritable islam. طيب واطلقوا على دعوتهم الدعوه السلفيه. Et ils ont donné comme nom à leur prêche le prêche salafi. فقيدوا اتباع الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح من الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان ممن عرف بتمسكه بالسنه والامامه فيها واجتناب البدعه. Et ils ont paramétré le suivi du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallam par la compréhension des pieux prédécesseurs. Ça ne suffit pas de dire je suis le Coran et la sunna. Tayyib, tu suis le Coran et la sunna. Mais avec quelle compréhension? Quelle lecture que tu as du Coran et de la sunna? Comment comprends-tu les versets et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est la même compréhension qu'avaient les compagnons et les tabi'in, ou alors c'est la compréhension qui est contraire à celle des sahaba et des tabi'in parmi un tel ou un tel, parmi les contemporains ou autres? Donc, un véritable suiveur des plus prédécesseurs, il suit le Coran et la sunna, mais en plus de cela, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Parmi les compagnons, parmi les tabi'in et ceux qui les ont suivis convenablement, parmi ceux qui ont été connus pour être des gens attachés à la sunna et qui étaient des imams et des ulama là-dedans et qui étaient éloignés et qui mettaient en garde contre toute forme d'innovation. Wa qad amarana Allah bi-ittiba'i as-sahaba. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de suivre les compagnons, waqtifa'i atharihim, et d'être sur leurs traces, wa suluki manhajihim, et de prendre leur chemin. Qala ta'ala, Allah le Très-Haut nous dit, wattabi' سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ Dans le sens du verset, « Et suis la voie, le chemin de celui qui est revenu à moi, de celui qui s'est repenti à moi. » يقول ابن القيم رحمه الله وكل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله والدليل على أنهم منيبون إلى الله تعالى أن الله قد هداهم وقد قال ويهدي إليه من ينيب الإمام ابن القيم Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullahu ta'ala, nous dit « Et tous les compagnons sont des personnes qui sont revenues à Allah, qui se sont repenties à Allah, et il est un devoir de suivre leur chemin. Et leurs paroles, leurs opinions, et leurs convictions, leurs croyances, fait partie en grand de leur chemin. » Et la preuve qu'ils sont revenus à Allah Ta'ala, le Très-Haut, est que Allah Tabaraka wa Ta'ala, il les a guidés. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, et il guide vers lui celui qui se repent à lui, celui qui revient à lui. Wa qad radiyallahu anis sahaba. Là se terminent les propos d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Wa qad radiyallahu anis sahaba. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a été satisfait, a agréé les compagnons, radiyallahu anhum, wa amman tabi'ahum bi ihsan. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a été satisfait, et il a agréé aussi ceux qui les ont suivis convenablement, de la meilleure manière. Qala ta'ala, was-sabiquna al-awwalun, min al-muhajirin wal-ansar, والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dans le sens du verset, Allah nous dit, et les prédécesseurs parmi les premiers, les muhajirin et les ansar, donc les compagnons, dans leurs deux catégories, ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine, les Mekwa, Al-Muhajiroun, et Al-Ansar, les habitants de Médine, qui ont prêté secours et aide au prophète sallam et aux émigrés. Donc, Al-Muhajirin ou Al-Ansar. Donc, c'est les premiers parmi les Muhajirin et Al-Ansar. Et ceux qui les ont suivis convenablement, Allah les agrée et eux l'agrée. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Voilà la grande réussite. Donc, dans ce verset, on voit bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de ceux qu'il a agréés. Et il nous cite des catégories de gens. Donc, les premiers, al-muhajiroun. Donc, al-muhajiroun, Allah tabaraka wa ta'ala les a agréés. Et il est satisfait d'eux. Ça, c'est Allah qui nous dit dans le Coran. Al-ansar, Allah tabaraka wa ta'ala les a agréés et il est satisfait d'eux. Quelqu'un peut dire qu'il fait partie de Muhajir ou Ansar? Personne. Ce sont des générations qui ont vécu à une certaine période. Radiallahu anhum. Et concernant tous les musulmans qui viennent après Sahaba jusqu'à la fin du monde, pour qu'ils soient agréés et qu'Allah soit satisfait d'eux, et ceux-là n'ont été cités dans ce verset que sous condition. Il dit, subhanahu wa ta'ala, et ceux qui les ont suivis convenablement. Ceux qui ont suivi convenablement, al-muhajirin et al-ansar. Eux, ils sont cités. Ils étaient dans la droiture, dans le pur islam. Pour tous les musulmans qui viennent après, ils ne pourront entrer dans ce verset, gagner la grâce et la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala que s'ils les suivent convenablement. Et c'est pour cela qu'on a le récit de l'imam Malik rahimahullah. Et dans son assemblée, il s'est trouvé un homme qui a commencé à parler en mal de certains compagnons. Et l'imam Malik rahimahullah lui dit, dis-moi, tu fais partie des muhajirin? Tu fait partie des muhajirines. L'imam Malik le questionne là où il a la réponse. Il sait qu'à son époque, il n'y a plus de compagnons. Mais il veut faire réfléchir la personne. Qu'elle réfléchisse un peu. Tu fais partie des muhajirines? L'homme dit non. Il lui dit, tu fais partie des Ansar? L'homme lui dit non. Et il lui a dit, donc toi, tu ne fais pas partie de ceux qui les suivent convenablement. Parce qu'Allah, il a dit, sur tous ceux qui viennent après les compagnons, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Et ceux qui viennent après, ils disent, oh notre Seigneur, pardonne-nous. Et à ceux qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets aucune haine, aucune rancœur à l'encontre de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Donc, cet homme-là, en dénigrant, en parlant en mal sur un des compagnons, il ne fait pas partie de ceux qui les ont suivis convenablement. Wal'iyadhu billah. فَلَيْسَ مِنَ الْإِبْتِدَاعِ فِي شَيْءٍ أَنْ يَتَسَمَّ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بِالسَّلَفِيِّينَ. Donc cela ne fait pas partie de l'innovation, ni de choses nouvelles, que les gens de la sunna et du groupe s'appellent salafi. إِذْ إِنَّ مُصْطَلَحَ السَّلَفِ يُسَاوِي تَمَامًا مُصْطَلَحَ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Car la formulation, ce terme, Ahlu Sunnah As-Salaf, il veut dire la même chose que Ahlu Sunnah Wal-Jama'a. C'est le terme qui change, mais en réalité c'est des synonymes. Le terme As-Salaf veut dire Ahlu Sunnah Wal-Jama'a. Wa yudraku dhalika bi ta'ammul ijtima'i kullin min al-mustalahayn fi haqq as-sahaba. Et ça on le voit bien lorsqu'on médite sur les deux terminologies. Et que ces deux terminologies, elles veulent dire en premier lieu qui? Les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Fahum as-salafu as-salih. Les compagnons, ce sont eux les pieux prédécesseurs. Wahum ahlu sunnah. Et ce sont eux les gens de la sunnah. Fakama yassihu lana al-qawl sunni nisbatan ila ahli sunnah. Yassihu lana al-qawl salafi nisbatan ila salaf la farq. Et de même, qu'il est possible de se dire sunni comme affiliation à la sunna, aux gens de la sunna, alors c'est de même pour le terme salafi qui est une affiliation à salaf, les pieux prédécesseurs. Il n'y a aucune divergence ou différence entre les deux. Wa innahu ba'da wujud al-firaq wa husul al-iftiraq asbaha madlul salaf muntabiqan على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبقا لفهم الصحابة والقرون المفضلة. Et bien sûr, après la présence et l'apparition des sectes et des tendances, et qu'il y a eu la division, la séparation, le terme salaf était un terme donc qui était donné à toute personne qui reste ferme dans la croyance saine et authentique, selon la compréhension, et sur la même voie, la voie droite, le chemin droit, selon la compréhension des compagnons et des générations vantées par le prophète, alayhi salatu wassalam, qui sont les générations honorables. Wa yakunu hadha al-mustalah as-salaf muradifan للأسماء الشرعية الأخرى لأهل السنة والجماعة. Et donc, de ce fait, le terme as-salaf, il devient un synonyme des autres terminologies religieuses comme أهل السنة والجماعة. وأن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة. Et que l'appel au suivi des pieux prédécesseurs ou le prêche salafi, ce n'est que le prêche vers l'islam authentique et vers la sunna pure. Wa da'wa ila al-'auda ila al-islam kama unzila 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa talaqqahu 'anhu ashabuhu al-kiram. Et c'est un appel, une invitation pour retourner à l'islam comme il a été révélé, comme il a été descendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme l'ont appris les compagnons honorables radiyallahu ta'ala anhum. ولا شك ان هذه الدعوه دعوه حق والانتساب اليها حق. Et il n'y a aucun doute que ce prêche est le prêche est un prêche véridique et véritable, et l'affiliation à cette prêche est une affiliation véridique. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لا عيب على من اظهر مذهب السلف وانتسب اليه أو اعتز إليه بل يجب قبول ذلك منه فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله dit: il n'y a aucun reproche à faire à celui qui fait apparaître la voie des pieux prédécesseurs et qui s'y affilie ou qui trouve une joie à en faire partie. Et il est un devoir, une obligation d'accepter tout cela, car la voix des pieux prédécesseurs ne peut être que la vérité. وَقَدْ كَانَ لِأَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ الْأَثَرُ الْكَبِيرُ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى السُّنَّةِ وَالْعَوْدَةِ إِلَى طَرِيقَةِ السَّلَفِ وَمَنْهَجِهِمْ وَالِاقْتِدَاءِ بِهِمْ. Et les imams de l'islam, parmi les adeptes de la sunna, ont eu un grand effet bénéfique dans leur appel à la sunna et de retourner, leur invitation à retourner à la voie des pieux prédécesseurs et à leur voie et de les suivre. Et parmi ces grands imams, Malik, wa Shafi'i, wa Ahmed, wa Ibn Khuzaymah, wa Ibn Abi Asim, والأصبهاني والآجري وغيرهم. Donc parmi ces grands imams connus pour avoir invité et prêché au retour et à l'attachement à la sunna du prophète alayhi sallatou wassalam et d'être sur la même voie que les pieux prédécesseurs, il y a parmi beaucoup d'autres les noms de ces imams qu'on vient de citer. ثم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كابن القيم وابن عبد الهادي وابن كثير والذهبي. Puis il y en a eu beaucoup. Puis est venue l'époque de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Car les imams cités auparavant, ils sont du deuxième et troisième et quatrième siècle de l'Hégire, deuxième, troisième, quatrième siècle de l'Hégire. Puis l'époque d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qui était le septième et huitième siècle de l'Hégire. Thumma Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah wa talamidhu. Donc Ibn Taymiyyah, qui est connu, et les élèves, comme Ibn al-Qayyim, Ibn Abd al-Hadi, Ibn Kathir, Al-Zahabi et bien d'autres. Thumma Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa a'immatu ad-da'wa min ba'dihi mimma adda ila dhuhur ittijahin salafiyyin ala marr at-tarikh. Puis il y a eu l'époque de Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, qui lui était du 12e siècle de l'Hégire. 12e siècle de l'Hégire. À titre d'info, nous on est dans le 15e siècle de l'Hégire. On est dans le 15e siècle de l'Hégire. Et les imams et les ulama de ce prêche qui sont venus après lui et qui a poussé à. On voit bien de là que tous ces imams et bien d'autres, dans tous les siècles, ils ont fait apparaître la voix des pieux prédécesseurs et ils ont invité et appelé à l'attachement à la sunna et au retour à la voie des pieux prédécesseurs. يستقي أسس دينه وعقيدته من كتاب الله وسنة رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح. Et donc, ils prennent les fondements même, les bases de la religion et de leur croyance dans le livre d'Allah et dans la sunna de son prophète, de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et aussi dans les récits des pieux prédécesseurs. وَيُقَاوِمُ كُلَّ تَيَّارٍ بِدْعِيٍ يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْأُسُسِ. Et ils viennent à se confronter, à contrer, à se mettre en obstacle face à toute tendance innovatrice qui sort et qui s'éloigne et qui dévie de ses fondements de base. وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. À dimanche prochain, inshallah.